dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer et de mieux traiter dans quelques cas avec l'ADN. L'espoir finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Aujourd'hui, le cerveau des bébés. Que se passe-t-il dans la tête des bébés? Que peuvent-ils comprendre? Grâce au progrès de l'imagerie, les chercheurs ont découvert que le petit de l'homme, même prématuré, est organisé très tôt et s'invente des systèmes de symboles. Les scientifiques ont aussi compris comment se développe le cerveau de l'enfant quand il apprend à parler. Ils savent désormais que les bébés arabes et les bébés japonais ne babillent pas de la même façon. C'est Ghislaine Dehaene qui va nous parler du développement neurologique des bébés. Cette chaleureuse pédiatre dirige l'équipe de neuroimagerie du développement au centre de recherche Neurospin, une unité INSERM installée à Saclay. Ce centre est un centre d'imagerie cérébrale. Il a permis de faire avancer considérablement les connaissances. Les aventuriers sur France Inter. C'est là qu'il y a eu le plus de changements en neurologie, parce qu'on avait, pour comprendre le cerveau de l'adulte, les lésions. Heureusement, les bébés n'ont pas de lésions. Donc, jusqu'au moment de l'imagerie, on n'avait pas grand-chose pour comprendre comment nos petits pensaient. Et donc, ce qu'on a un peu découvert ces dernières années, c'est que l'organisation cérébrale qui est chez l'adulte, en fait, elle est déjà présente très très tôt. C'est pas l'environnement qui va modifier le cerveau du bébé. En fait, le cerveau du bébé a déjà une organisation, et c'est cette organisation qui va lui permettre d'aller chercher dans l'environnement ce qui est pertinent et ce qui est important pour lui d'apprendre. Dès la naissance ? Dès la naissance et même, on pourrait dire in utero. Alors là, in utero, on ne peut pas aller voir, mais il y a des prématurés qui naissent un peu trop tôt. Et donc, on peut regarder très très tôt. Par exemple, à 6 mois de grossesse, on peut faire des enregistrements d'électroencéphalogramme déjà ou de spectroscopie dans le proche infrarouge. Peut-être on reviendra tout à l'heure sur ce que sont ces méthodes, mais on voit déjà que des petits bébés à 6 mois de grossesse, donc 3 mois avant le terme, sont déjà capables de percevoir des syllabes, de réagir à ces sons. Ça veut dire que si on leur parle, ils comprennent ? Non, bah, ils comprennent, mais déjà, ils sont capables d'entendre, de repérer par exemple les sons de la langue maternelle, ça vient très très vite, et d'essayer de faire déjà du sens, en fait, je pense vraiment, de ce qui est autour d'eux. Dans les années 50, on ne pensait pas du tout que les bébés étaient capables de comprendre des syllabes. Ils dormaient, ils mangeaient, et puis c'était tout. Hein. Je me rappelle ce que... Alors, c'est nos mères à nous qui pensaient que les bébés étaient totalement amorphes. On les laissait dans un coin, et puis c'était tout. Et donc, on a considérablement changé notre approche. Alors, bien sûr, je pense que les mamans savaient déjà que leur bébé faisait plus de choses. Mais les médecins, à l'époque, étaient très négatifs. 8 octobre 1949, la formation de l'enfant par le professeur Gessel de Yale. La coordination des yeux, des mains et du cerveau pendant la première année de la vie est remarquable. Dans les premières semaines, ses poings demeurent généralement fermés, mais il ouvre les yeux et commence sa conquête psychologique du monde physique. Il cherche la lumière qui vient de la fenêtre. À 2 mois, il suit des yeux les mouvements d'une personne située dans son champ visuel. À 3 mois, il peut regarder sa propre main qui s'ouvre à présent. À 4 mois, il peut saisir du regard un très petit objet, mais point encore s'en saisir avec ses mains. Ce n'est qu'à 6 mois qu'il peut l'attraper dès que son regard le lui a montré. Pour bien comprendre les enfants, nous devons avant tout comprendre leur mode de développement. Qu'est-ce que vous en pensez, Ghislaine Dehaene ? La dernière phrase est très exacte. Pour mieux comprendre les enfants, il faut comprendre leur mode de développement, ça certainement. Mais on voit très bien les changements qu'il y a eu pendant ces 50, ou plus que ça, ces dernières années. Parce que d'une part, Gesell, je ne sais pas exactement si on dit Gesell ou Gesell, ne parle que de stimuli extrêmement simples, comme le bébé suit la lumière. On sait qu'il fait des choses beaucoup plus compliquées que ça. Et la deuxième chose qu'on pensait à l'époque et qui s'est révélée fausse, c'est qu'il s'appuie beaucoup sur le développement moteur. Or, le développement moteur de l'enfant est très lent. Et ses capacités perceptives sont bien meilleures. Et c'est ce qui a trompé pendant très longtemps les parents ou les médecins, c'est qu'effectivement, un bébé ne va prendre un objet, ne va tenir assis que vers 6 mois, va commencer à babiller que de façon un petit peu, disons, active que à la fin de la première année de vie, parler que beaucoup plus tard. Et donc, on a pensé que jusque-là, il ne faisait rien. Et c'est en ça que les progrès des sciences cognitives, dans les années 80, déjà avec des techniques comme la succion ou l'orientation du regard, vont montré que les bébés peuvent faire déjà beaucoup plus de choses, comme reconnaître leur langue maternelle à la naissance, qu'on est loin de reconnaître des visages, reconnaître le visage de leur mère, et associer le visage de la mère à sa voix dès les premiers jours de vie, ce que Gezel ne pense pas du tout possible, puisqu'il dit qu'il s'oriente juste vers la lumière. Donc c'est l'observation attentive, le développement des techniques aussi pour tester les bébés, qui a permis de voir qu'ils faisaient beaucoup plus de choses. Mais pourtant, à la naissance, le cerveau d'un bébé n'est pas fini. Ah non, loin de là, loin de là. Mais il est organisé et toutes les régions travaillent. Parce que aussi, très longtemps, c'est un peu ce qui est reflété dans ce qu'on vient d'entendre, on a pensé que le développement se faisait des régions les plus primaires, par exemple les régions primaires auditives, les régions primaires motrices, et puis des régions plus complexes allaient devenir matures et donc entrer en jeu et donner des capacités supplémentaires au bébé jusqu'aux régions les plus hautes, les régions frontales, qui vont nous permettre de planifier, de chercher dans l'environnement ce qui est important pour nous, de faire attention à telle ou telle chose. Donc on avait cette vision très du bas vers le haut du développement. Et donc on avait en particulier ces régions frontales qui sont entre guillemets l'apanage de l'être humain puisqu'elles sont très développées chez l'être humain par rapport aux singes et aux chimpanzés. Et donc elles se développent jusqu'à la puberté, jusqu'à 20 ans, même 25 ans pour certains aspects. Donc très tardivement, elles ont ce développement très prolongé. Et donc on pensait que chez le bébé ça ne servait à rien. Ce qui était un peu idiot, hein, parce que les régions frontales, c'est quasi un tiers du cerveau. Hein. Donc un tiers de substance qui est là, qui consomme de l'énergie, qui sert à rien, c'est pas très sensé d'un point de vue de l'évolution. Et donc ce qu'on s'aperçoit maintenant, ce qu'on a vu en imagerie, c'est que ces régions frontales sont actives et que c'est elles qui vont permettre au bébé d'aller chercher ce qui l'intéresse. Et qu'en fait, c'est pas du tout un apprentissage du bas vers le haut, mais même certains ont proposé que c'était un apprentissage du haut vers le bas, c'est-à-dire que même ces régions frontales pouvaient apprendre avant les régions de plus bas niveau et diriger l'apprentissage des régions de bas niveau vers ce qui était pertinent. Donc en fait, on a complètement changé notre approche du développement. Mais ce que vous racontez sur le cerveau des bébés, je trouve ça très émouvant. Bah, émouvant, oui, parce qu'on s'aperçoit que ces petits sont bien plus capables qu'on ne le pense. Et généralement, c'est assez marrant d'ailleurs quand on voit les mamans qui viennent participer à nos études, parce que bon, comme tout le monde, elles adorent leur bébé est extraordinaire, mais elles sont toujours dessus. Je veux dire, une maman ne laisse pas son bébé tout seul. Et dans les études comportementales, bon, on installe le bébé dans une chaise, on lui montre des choses, et puis on veut surtout pas que les parents interagissent, parce qu'on veut pas les réactions des parents, mais les réactions du bébé. Donc les parents sont un peu en retrait et regardent leur bébé faire. Et souvent, mais ils découvrent que leur bébé, d'abord, a déjà une personnalité, qui sait déjà se débrouiller avec des choses nouvelles, ce qu'ils ne pensaient pas possible, parce que c'était encore leur petit. Donc ça, mais dès 3 mois, dès 4 mois, hein, je ne vous parle pas des enfants de 2 ans dont on sait qu'ils ont une certaine autonomie, mais dès quelques mois, les enfants qui viennent dans le laboratoire, d'abord sont curieux de ce qui se passe, sont séducteurs déjà, il faut le dire, hein, ils font des gousi-gousis et ils répondent à 3 mois. Ah oui, oui, oui, bien sûr. Et ils savent un petit peu déjà ce que va faire l'adulte et ce qu'on doit attendre d'un adulte et comment un adulte doit se comporter avec eux et comment eux doivent se comporter avec un adulte. Donc aussi, ça c'est une des choses qu'a apporté les sciences cognitives de ces dernières années, c'est l'importance de ce qu'on appelle la cognition sociale, c'est-à-dire du fait que les humains sont une espèce très sociable et où l'enfant est très dépendant des adultes et regarde très vite et comprend très vite les relations entre les différentes personnes autour de lui. Et donc, est capable de jouer sur ces relations et de comprendre des choses parfois très compliquées sur qui est gentil, qui est méchant, par exemple. Dès très petit. Dès très petit. Bon, qui est gentil, qui est méchant, ça a été montré vers 6-9 mois, mais c'est déjà très jeune. Ça pèse combien, un cerveau de bébé à la naissance ? 400 grammes, hein, c'est pas beaucoup. C'est 1,4 kg chez l'adulte. Donc, vous voyez, il faut quand même que ça pousse beaucoup. Et la grosse différence, je dirais, par exemple, avec le chimpanzé, qui est l'animal vivant le plus proche de nous actuellement, c'est que la vitesse de croissance du cerveau continue pendant les premières semaines de vie, pendant les 2 premières années, alors qu'elle est déjà arrêtée chez le chimpanzé. Ce qui va faire que le cerveau humain va se développer bien au-delà du cerveau du chimpanzé, par exemple. Et notamment, à nouveau, ses régions frontales. Donc, si je comprends bien, le bébé entend, il voit, il rêve, il compte, il mémorise. Oui, il fait beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas spécifiques à l'être humain. Il partage avec le chimpanzé, mais aussi les autres petits singes, voire avec d'autres mammifères, des capacités, par exemple, sur l'approximation des quantités, de savoir là où il y en a le plus, là où il y en a le moins, ce qui est assez logique dans l'évolution, parce que si vous êtes en train de vouloir monter dans un arbre, autant choisir l'arbre où il y a le plus de fruits. Ou si vous avez des prédateurs qui vous poursuivent, de partir du côté où il y en a le moins. Donc, le nombre est quelque chose qui est très ancien et donc que les petits humains ont aussi. La forme des objets, la physique des objets, le fait que si je lâche, il va tomber. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? La différence entre objet et tout ce qui est animé. Et qu'un objet n'aura pas le même type d'action dans le monde qu'un objet animé. C'est-à-dire, à partir du moment où, par exemple, ça c'est très joli aussi comme étude, où on montre à un bébé un objet qui a une trajectoire sinueuse alors qu'il n'y a pas de raison qu'il l'ait, il va donner, entre guillemets, une âme à cet objet, c'est-à-dire qu'il va penser que cet objet est en fait quelqu'un a une intention. Quelque chose de vivant. Quelque chose de vivant qui a une intention. Sinon, la logique de la physique fait qu'il devrait aller tout droit, par exemple. Donc il y a des choses très marrantes où on voit qu'il y a des a priori sur comment les objets, les gens, doivent se comporter dans le monde actuel. Mais ça qu'on partage avec les autres animaux, qui ne sont pas spécifiques à l'humain. Et ce qui est spécifique à l'humain, c'est la syntaxe. Il comprend très vite. Alors, la syntaxe, non, c'est... Enfin, sans doute, mais c'est difficile à montrer. C'est sûr qu'il y a un réseau du langage. Le langage tel qu'il existe chez les humains est une particularité extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut nommer n'importe quoi dans notre environnement et on peut, raconter ce qui s'est passé avant, après, etc. Donc ça, cette faculté de représenter l'environnement par des signes arbitraires et de les ordonner suivant des règles, ça, c'est très humain. Il y a d'autres choses. Le fait de s'appuyer sur l'autre pour apprendre. Alors ça, c'est un concept qui a été apporté par nos amis de Hongrie, Gergely, qui ont montré que peut-être les humains sont une espèce pédagogique. C'est-à-dire que nous savons que nous enseignons à nos petits, et nos petits savent qu'on leur enseigne. Alors que, à nouveau, on a vu des chimpanzés avec des cultures. On voit, par exemple, des petits chimpanzés vont regarder leur mère et casser une noix de coco avec une pierre. Et donc, ils vont l'imiter. Mais jamais on a vu une mère regarder si son enfant faisait bien ou ralentir son geste pour que son enfant comprenne comment casser la noix de coco. Une mère chimpanzée. Une mère chimpanzée, j'entends. Alors que les humains, c'est très fréquent. D'abord, on va ralentir quand on parle à un petit pour lui expliquer. On va aussi modifier nos gestes pour que lui comprenne. Et on va en fait lui donner plein de signes qu'on est à un moment donné en train de lui apprendre quelque chose. Et quand on leur parle un petit peu pointu, entre guillemets, c'est bien ? Bah, ça aide. On ne parle pas seulement pointu. Ce qu'on fait généralement dans ce qu'on a appelé en français le mamanais, ce qui n'est pas très joli pour motherese en anglais, c'est-à-dire cette façon un peu particulière où on intonne énormément et où on va ralentir notre débit de parole pour parler à un petit, et bah, quelque chose qui éveille l'attention de l'enfant et en même temps lui dit « c'est bien à toi que je m'adresse maintenant, écoute parce que je vais te faire passer une information ». Et les bébés sont sensibles à cet aspect-là des choses. C'est pas seulement « c'est plaisant d'entendre une voix », c'est aussi « ah, on va me dire quelque chose sur mon environnement ». Night gets darker, no, not like it ever was. Those waves are hitting harder against the rocks, against the shore. But I'm fading fast, I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so white and wild. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night gets colder, now not like it ever was. And those men are pushing harder against my thighs, against my throat. And I'm fading fast, I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so wide and well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Just swaying over everything under the dance hall lights. Well, I spy that man, he want that woman, I want his wife. But I'm fading fast tonight. Look over your shoulder, see them boys learn how to fight well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. I said it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night creeps faster, now on bended hands and knees. And as the light breaks in, I'm lying between the wall and my lover's knees. But I faded fast tonight. And though I'm broken tired, I've had one hell of a ride. Well, you know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Well, I kissed my baby and we put out the light. Well, I kissed my baby and we put out the light. Well, I kissed my baby and we put out the light. Well, I kissed my baby and we put out the light. Que c'est beau, Liz Green, Midnight Blues. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. De nouvelles technologies sont donc à la disposition des chercheurs, comme Ghislaine Dehaene, qui dirige l'équipe de neuroimagerie du développement au centre de recherche Neurospin de Saclay. Parmi ces nouvelles technologies, l'IRM, un énorme aimant capable, grâce aux propriétés magnétiques des tissus, de déterminer quelles sont les zones du cerveau qui s'activent. Avec ces nouvelles méthodes, sans danger, les scientifiques aimeraient découvrir à partir de quel âge les enfants comprennent vraiment. Comprennent, ça c'est difficile parce que le sens des mots évidemment ne vient pas tout de suite, il faut d'abord être confronté. Alors dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots, par exemple leur prénom, papa-maman, en anglais hug et eat, donc manger et embrasser, mais embrasser c'est trop long à mon avis, ils comprennent pas embrasser. Donc vous voyez, ils comprennent un certain nombre de mots, ils les mettent pas encore dans des phrases. Mais ils comprennent très vite qu'un mot peut représenter quelque chose de l'environnement. C'est-à-dire que, même s'ils ne le retiennent pas, vous comprenez, parce qu'il faut, quand on apprend un langage, il y a plusieurs choses à apprendre. Il y a à apprendre que je peux appeler tous les petits animaux qui ont de la fourrure, des petites oreilles pointues, qui font miaou, on peut appeler ça des chats. Et puis après, dire des choses sur les chats. Mais d'abord, il faut d'abord que je me représente tous ces animaux comme étant de la même catégorie et attacher le mot chat à cette catégorie. Et donc ça, qu'on puisse attacher un signe arbitraire comme chat ou comme cat ou comme dans n'importe quelle langue, il va y avoir un choix différent à cette catégorie d'objets, ça ils le comprennent très très tôt. Et donc à partir de là, une fois qu'on a résumé l'ensemble des chats à ce petit mot, on peut commencer à raisonner sur les chats et à mettre ces chats, ils font des actions, donc à rentrer dans une syntaxe. Et ça, ça va se développer aussi petit à petit. Donc à quel moment commence le langage, c'est difficile à dire. Oui, parce que quand le bébé babille, c'est du langage? C'est du langage, mais oui, parce qu'il exerce son système moteur, mais il y a plusieurs niveaux dans le langage. Il y a un, la parole. Bon, c'est-à-dire le fait d'arriver à articuler, donc de moduler tous ses muscles pour arriver à parler, ce qui n'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Et donc ça, c'est tout ce qui le bébé s'exerce à ça en faisant les vocalisations d'abord, donc les voyelles, et puis quand il fait les consonnes bababa, are, are, tout ça, ça devient du babillage, et ça devient très affecté par la langue maternelle. Donc à la fin de la première année de vie, un bébé français, un bébé chinois ou un bébé arabe ne babille pas de la même façon, parce que ils ont déjà été sensibles aux sons qui sont utilisés par leur propre langue, à la façon dont leur propre langue les module, et donc ils vont babiller dans leur langue maternelle, si on peut dire. Depuis quand on s'intéresse au développement du cerveau des bébés? Je pense depuis longtemps. En fait, il y a des vieux textes de Darwin, déjà à l'époque, qui examinaient comment ses enfants grandissaient, et qui disaient à l'époque déjà, oui, il faudrait regarder de plus près le développement des enfants, parce qu'on en apprendrait beaucoup sur l'évolution vers l'être humain. Donc vous voyez, c'est une vieille idée. Alors après, évidemment, de façon plus scientifique, c'est-à-dire en regardant avec des méthodes, et pas seulement juste en regardant avec des méthodes beaucoup de bébés, non pas simplement son propre enfant. Je sais pas, je dirais les années 70. Jacques Meller, ça me parle. Ah oui, Jacques Meller, c'est un pionnier en France. Ça a été mon directeur de thèse. C'est avec lui que j'ai découvert tout ce que pouvaient faire les bébés. Et oui, ça a été vraiment un des premiers à faire ce genre de recherche. 20 octobre 1976, TF1. Jacques Meller parle du langage du bébé. Avec une grande facilité, l'enfant distingue, sans aucun apprentissage, des consonnes que des fois les adultes ne peuvent pas distinguer. Il y a des groupes sociaux qui ne distinguent pas entre un R comme Ra et un L comme Louis, mais l'enfant, le nouveau-né, peut les distinguer, ces différents sons, sans aucun problème. Après, il perd cette capacité. Je crois que dans le langage aussi, il n'y a pas tellement une question d'apprentissage, mais il y a plutôt une question d'occasion d'être soumis à une expérience langagère. Alors, ça a été les premières choses qui ont été montrées, qu'effectivement les bébés pouvaient être meilleurs que les adultes, puisqu'ils pouvaient distinguer des sons d'autres langues, alors que les adultes sont très contraints par leur langue maternelle. Et d'ailleurs, on voit aussi, en écoutant Jacques, que les adultes sont mauvais pour apprendre une deuxième langue, voire une troisième, parce que Jacques avait beaucoup de langues, et en français, il a toujours gardé, il a toujours son accent espagnol, argentin, alors qu'un bébé qui va apprendre très tôt deux langues n'aura pas cet effet de la deuxième langue, en fait. À cause de quoi ? À cause de quoi ? Alors ça, c'est une question qui nous laisse toujours perplexes, parce qu'il y a, il y a une première chose, c'est que quand vous apprenez votre langue maternelle, il n'y a pas de concurrence avec une autre langue. Vous apprenez celle qui est devant vous, alors que quand vous êtes déjà un expert dans votre langue maternelle, une autre langue arrive, il va falloir s'accommoder avec deux systèmes. Parce que, par exemple, en français, on vous demande de faire attention entre U et OU. En anglais, cette distinction n'est pas utilisée. Donc, pourquoi la faire tout d'un coup ? Il faut bien comprendre que quand je parle, là d'ailleurs, les auditeurs s'en sont aperçus, parfois je bafouille, parfois je donne pas le son exact, pourtant, ils vont arriver à retrouver le sens de ce que je veux dire de façon très efficace. Donc en permanence, notre cerveau est en train de s'adapter à toutes les erreurs que fait le locuteur pour aller au sens. Et donc, plus il est expert dans sa langue maternelle, plus il va pouvoir retrouver les sons, puis à partir de ça, les mots, et à partir de ça, la syntaxe et le sens de ce qui est dit, en négligeant toutes les erreurs. Quand on apprend une deuxième langue, évidemment, il y a d'autres paramètres qui jouent. Et il faut les réapprendre. Et à ce moment-là, tout ce qu'on a appris, tous ces automatismes ont disparu. Donc, on est mauvais. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, c'est les périodes critiques, de savoir est-ce qu'il y a des moments où le cerveau est plus habile pour apprendre certaines choses que d'autres. Et vraisemblablement, le cerveau de l'enfant est le créateur de la langue. C'est-à-dire, c'est lui, en fait, qui veut communiquer, c'est lui qui crée, en fait, le langage. C'est très marrant quand on regarde, quand il y a eu des mélanges de langues et de cultures, par exemple, à cause de l'esclavage, où on a eu les créations de créoles. En fait, la première génération de gens de langue africaine, de langue européenne qui sont en contact, parlent un drôle de sablire, comme on dit. Oui. C'est-à-dire que c'est un mélange avec pas tellement de règles. Mais la deuxième génération a déjà créé un créole, et le créole est une vraie langue. C'est-à-dire, il y a différents créoles suivant effectivement le pourcentage de telle ou telle langue qui était dans l'environnement. Et donc, les enfants, à partir d'un langage qui est, ou de paroles qui sont pas très régulières, va régulariser. C'est très marrant d'entendre, par exemple, des enfants dire « ils sont partis ». Personne ne dit jamais « ils sont partis ». Mais qu'est-ce que font les enfants dans ce cas-là? Ils savent que « sont » est la forme du présent et que d'habitude, pour parler du passé, on met le « est ». Donc, « ils regardent », »,« ils regardaient », »,« ils chantent », »,« ils chantaient », »,« ils sont est ». C'est logique. Jamais un adulte qui apprend une deuxième langue ne fera ça. Mais ça démontre tout à fait comment les enfants ne reçoivent pas l'environnement, mais vont essayer de trouver des règles dans cet environnement et exploiter ces règles pour proposer des choses. Moi, j'ai Céline de Han, comment est-ce que vous savez tout ça? Il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord des hypothèses. Vous savez qu'en science, on fait d'abord des hypothèses et après, on essaye de trouver la technique qui permet de les vérifier. Donc, il y a encore beaucoup d'expériences en sciences cognitives qui sont faites avec le comportement des enfants, en utilisant le temps de regard, la surprise. Beaucoup de ces études, en fait, jouent sur deux choses. Le bébé aime la nouveauté. Donc, quand on l'habitue, quand on répète une certaine chose, tout d'un coup on change, il est à nouveau intéressé. Donc on joue là-dessus. Et puis la deuxième chose, c'est la surprise, c'est-à-dire il a l'habitude de faire telle et telle chose. Enfin, je veux dire, où il s'attend et tout d'un coup, comme les magiciens, on lui propose quelque chose qui n'est pas possible, pour lui en tout cas. Et à ce moment-là, il regarde plus longtemps ou il arrête de téter si on utilise la succion. Et donc, on voit tout d'un coup une différence. Mais un exemple, concrètement, vous faites comment? Ils sont assis sur des petites chaises, vous les recevez dans votre bureau, comment ça se passe? Alors, par exemple, à la maternité, on va dans les chambres, on demande aux mamans si elles veulent participer, on les descend dans les sous-sols, par exemple, de la maternité Port-Royal. On installe le petit face, par exemple, à un écran. C'est comme ça que Véronique Izard a montré que les bébés savaient discriminer des nombres. Et puis, on leur présente, par exemple, bip, bip, bip, bip, bip. Et puis, en face d'eux, ils ont une image avec d'un côté, disons, six petits objets, et puis de l'autre côté, 24. Et on regarde si, quand on entend bip, bip, bip, bip, 24 fois, ils vont plutôt regarder du côté de 24 que du côté de 6. Et vous avez compris que... Eh bien, que d'abord, ils pouvaient discriminer 6 de 24. Comme ça. Et deuxièmement... Tout neuf, tout bébé. Tout bébé à quelques jours de vie. Et que cette discrimination était à travers les modalités auditives et visuelles, puisqu'ils sont capables d'associer le nombre de bips qu'ils entendent avec le nombre d'objets qu'ils voient. Donc il y avait vraiment un sens du nombre. Alors, quand je vous dis 6-24, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire 6-7. Ça, c'est une des choses qu'on sait. Comme je vous le disais tout à l'heure, le nombre fait partie des capacités qu'on partage avec les animaux, mais c'est une capacité approximative au départ, c'est-à-dire qu'on peut discriminer à la naissance, disons 6 fois 3, 24, donc un rapport de 1 à 3. 6 fois 3, 18, eh ben bravo. Oui. J'étais en train de me dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on va dire qu'il faut au moins un rapport d'un sur trois. Alors plus, ça marche encore mieux, on va dire. Mais plus tard, ça sera un rapport d'un sur deux. Et puis, beaucoup plus tard, ils vont apprendre à compter exactement en se servant de ce système approximatif pour se lancer dans la découverte du nombre. Donc vous faites pas mal d'expériences avec les bébés. Avec beaucoup de bébés, et puis on regarde si ce comportement, il est significativement présent chez tous les bébés. Donc on fait des statistiques. Alors vous doutez bien qu'avec un comportement comme l'orientation du regard chez le nouveau-né, des fois, ils ne s'orientent pas parce qu'ils sont en train de s'endormir, ils ne s'orientent pas parce qu'ils s'endorment, ou alors ils pensent que maman est peut-être dans le coin là-bas, et ils regardent toujours du même côté. Donc c'est très indirect comme méthode. C'est pour ça que l'imagerie a été un grand progrès, parce que tout d'un coup, on ne demande plus un comportement au bébé, on enregistre directement les réponses cérébrales. Et vous mettez des bébés dans des IRM? Alors, on peut aller jusque-là, oui. C'est mais facile? L'IRM n'est pas le plus facile, parce que ce qui les embête le plus... Bon, l'IRM, c'est un champ magnétique, donc maintenant on a assez de recul pour savoir que ce n'est pas dangereux pour les bébés. La deuxième chose, c'est que c'est un instrument bruyant, sonorement bruyant. Très bruyant. Très bruyant, donc on les protège du bruit de la machine. Et le troisième inconvénient, qui est surtout dramatique pour les bébés, c'est qu'on les couche. Alors, ils arrivent dans un environnement nouveau, qui est très intéressant, il y a plein de gens qui tournent autour d'eux. Donc ils veulent voir, et puis tout d'un coup on les couche pour les rentrer dans cette machine. Alors ils n'aiment pas. Alors ils se mettent à pleurer, du coup on les relève, parce qu'on ne veut pas un bébé qui pleure. Par définition, on veut un bébé qui agisse et qui soit en train de comprendre ce qui se passe. Donc on ne veut surtout pas qu'il pleure et qu'il soit malheureux. Donc on le ressort, on le fait guili-guili, il nous ressourit parce qu'il est très content d'avoir tous ces gens. On le recouche, il pleure, il le ressort, là, là, voilà. Au bout d'un certain temps, il comprend que bon, peut-être il va se passer des choses intéressantes là-bas. Et donc, il rentre dans cette machine et on lui présente des phrases, par exemple, dans sa langue maternelle. Et c'est là qu'on a vu que, quand je vous disais que le cerveau était organisé, parce qu'on a exactement les mêmes réponses cérébrales chez le bébé de quelques mois et chez l'adulte quand il écoute des phrases de sa langue maternelle. On écoute Stéphane Escher, Si tu veux. Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible. Que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair. Ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. Sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille. Le goût de toi me manque, rien ne se rêve, les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras. Un bébé de quelques mois entend, voit, rêve, compte et mémorise. L'objectif que poursuit Ghislaine Dehaene est de comprendre comment se développe le cerveau du nourrisson, qui progressivement devient capable d'assumer des fonctions complexes. Pour cela, à quelques mois, cette chercheuse leur apprend à lire. L'IRM lui permet d'accéder à de nombreuses informations, mais d'autres techniques sont à sa disposition. Celle que je préfère, c'est l'électroencéphalographie. C'est-à-dire de mettre des petites électrodes sur la tête des bébés et on enregistre directement l'activité électrique cérébrale. Et donc ça, c'est très pratique parce que c'est très souple. Les bébés restent sur les genoux de la maman. Ils ont un petit filet d'électrodes sur la tête qui ne pèse rien. Donc une fois qu'il est mis, ils ont totalement oublié. Et on peut avoir deux types d'informations. Le premier, c'est la vitesse avec laquelle le cerveau répond. Et donc ça nous intéresse beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, avec l'IRM, on a l'impression que c'est les mêmes réseaux, mais est-ce qu'ils répondent à la même vitesse? Est-ce que tout est pareil? Et non. Avec l'électroencéphalographie, on s'aperçoit que ces réponses sont beaucoup plus lentes, notamment les réponses de plus haut niveau, ces fameuses réponses frontales de prise de conscience, de prise de décision, de réponse à la nouveauté. Chez l'adulte, ça se fait en 300 millisecondes. Chez l'enfant, ça se fait en une seconde. À 3 mois, une seconde encore à 12 mois, une seconde encore à 18 mois. Oui. Donc ça reste très lent. Et donc c'est pour ça que les enfants, faut leur laisser un peu de temps. Ils sont un peu lents. Alors par exemple, ce qu'on a fait récemment comme étude, c'est qu'on a appris au bébé à lire. Répétez-moi ça. Enfin, c'est modeste comme apprentissage, mais la question qu'on se demandait, c'était est-ce que les bébés sont capables de percevoir déjà le phonème dans la syllabe? Donc, qu'est-ce que le phonème? Ba et ra se distinguent simplement par un changement de consonne, et cette consonne est appelée le phonème, be et re. On pensait que les bébés, au départ, ne discriminaient que les syllabes, et qu'il fallait attendre, vers 5-6 ans, l'apprentissage de la lecture pour arriver à rentrer dans la syllabe et à isoler que ba, c'est be et a. Pourquoi ? Parce que les illettrés ont beaucoup de mal à le faire. Donc on s'est dit, alors, est-ce que vraiment les bébés sont incapables ? Donc, on va leur faire écouter ba et leur présenter. Alors, on n'a pas pris des lettres, on a mis un plus jaune. À chaque fois qu'ils ont un ba, plus jaune. Un bi, plus jaune. Donc, à chaque fois qu'ils avaient une syllabe commençant par be, on présentait un plus jaune. Et puis, on a pris des syllabes qui commençaient par ge. Alors, be et ge sont deux sons extrêmement proches. Hein. La différence est 40 millisecondes, donc il faut vraiment être très attentif pour l'apercevoir. Donc, à chaque fois qu'ils avaient le ge, ils avaient un multiplié rouge. D'accord ? Et puis, on gardait de côté ba et ga. Et donc, pendant tout ça, on enregistre l'électroencéphalogramme du bébé. Donc, ils apprennent. Be, j'ai un plus jaune. Ge, j'ai mon multiplié rouge. Et puis, on commence à présenter ba et ga, 50% du temps avec le plus ou le 50% avec le multiplié. Donc, ils ne peuvent pas apprendre. S'ils perçoivent simplement des syllabes, il n'y a pas de raison de penser que ba et ga doit être plus avec l'un qu'avec l'autre. Mais par contre, s'ils ont été capables de s'apercevoir qu'à chaque fois que j'avais un be, j'avais mon plus jaune et un ge, j'avais mon multiplié rouge, ba doit être avec un plus jaune, et donc quand ba est avec un multiplié rouge, j'ai un signal d'erreur. Et idem pour ga. Et bien, c'est ce qu'on a eu. Donc, ils sont capables de rentrer dans la syllabe, de s'apercevoir. Donc, voyez un petit peu la subtilité du traitement. Là, ils ont 2 mois. C'était ma question. Ouais. Ils perçoivent la syllabe. Ils remarquent que toutes ces syllabes qui commencent par un be sont associés avec ce signe visuel. Donc je vais extraire ce be, l'associer à ce signe, et quand maintenant je présente le ba, je sais quel signe je dois avoir, et on a des réponses d'attente aussi qui montrent qu'ils attendent particulièrement un signe. Donc associer un phonème à un signe visuel, ça s'appelle lire. Évidemment, ils n'ont appris que deux signes pour le moment. Mais ça veut dire que les potentialités qui nous permettent ensuite d'apprendre à lire, sont déjà là chez le bébé. Cette capacité d'analyse très fine des signes de la parole est déjà là. Mais du coup, il ne faut plus qu'on agisse avec les bébés comme on le fait depuis des décennies. Mais si. Ah bon, ça ne change rien ? Non, ça ne change rien, ça ne change rien. Non, le fait qu'on sache qu'ils comprennent, est-ce qu'il faut leur parler différemment ? Est-ce qu'il faut leur montrer des choses ? Ça fait pas de mal. Et en fait, je m'aperçois qu'on leur parle de moins en moins, parce que maintenant, on est de plus en plus sur les tablettes, sur les téléphones. Et les tout-petits, ils ne sont pas capables encore de se saisir de la tablette et du téléphone. Et ils ne voient plus leurs parents, parce que c'est pour certains parents. L'autre fois, j'étais dans le train, j'ai vu un monsieur qui est resté pendant les 2 heures du train sans dire un seul mot à son fils de 18 mois qui était à côté, qui chouinait de temps en temps parce qu'il essayait d'attirer l'attention de son papa. Il s'ennuyait tout à fait, mais son papa était sur son téléphone, devait faire des choses très intéressantes. Je ne jette pas l'opprobre sur ce papa, mais on oublie que ces enfants ont besoin d'échanger, ont besoin de parler, qu'ils apprennent à travers nous. Et donc il faut leur parler, et il faut leur montrer des choses, leur montrer des livres. Et c'est très important de susciter le langage, de susciter leur babillage en retour dès les premiers jours de vie, je dirais. Est-ce que l'apport de la technologie a été très important pour vous pour comprendre tout ça ? Oui, parce qu'on fait des analyses maintenant avec ces machines qui sont des analyses monstrueuses sur le plan du calcul. Et donc, on a besoin des ordinateurs. On a besoin aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, toutes ces études en EEG, on présente beaucoup d'essais, on fait beaucoup d'essais. Donc on donne au bébé une image plus judicieuse de la distribution de ce qui se passe dans une expérience. Je ne sais pas si je suis très compréhensible, mais quand on fait ba-ba-ba-ba-ga et qu'on regarde simplement la surprise parce que vous changez, vous n'avez qu'une fois, parce qu'une fois qu'il a eu une fois la surprise, il ne l'a plus. Alors qu'avec le G, on peut faire ba-ba-ba-ga, bi-bi-bi-bi, di, bou-bou-dou, on peut varier, faire beaucoup de variations. Parce qu'on ne dépend plus d'une réponse comportementale et enregistrer directement la réponse cérébrale. Et on donne beaucoup plus, on a des expériences beaucoup plus riches. Et ça, c'est grâce à la technique, à l'EEG, à l'ordinateur derrière qui nous permet de traiter ces données. Parce qu'en 1967, la technique était loin de celle que vous connaissez aujourd'hui. 8 juin 1967, description de l'encéphalogramme de la clinique de Port-Royal par le professeur Alexandre Minkowski. Les radios du crâne faites avec très grande précision par ce craniographe permettent de juger de l'état de maturation du cerveau. Car le cerveau imprime, si vous voulez, par ses circonvolutions, un certain relief au crâne. et il ne le fait qu'à partir d'un certain moment de la grossesse, de la vie intra-utérine ou de la prématurité. Est-ce que ça se voit sur ce cliché ? Eh bien justement, ça se voit sur ce cliché qui concerne un enfant qui était né non loin du terme mais qui était cependant petit. Eh bien cet enfant a quand même un cerveau très développé, comme le montrent les empreintes dites digitales que les circonvolutions du cerveau bien développées, malgré que l'enfant soit petit, impriment sur le crâne. Alors, est-ce que c'est dépassé, ça ? Ah, complètement. On fait beaucoup mieux. Non, c'était très indirect comme méthode. Je suis pas sûre que c'était très exact, parce que pour marquer quand même sur l'os du crâne, il faut quand même pousser un peu fort. Et donc ça m'étonnerait que ça était si efficace que ça pour arriver à montrer la maturation. Nous avons des techniques bien meilleures actuellement. On peut mesurer directement, par exemple, les fibres qui sont dans le cerveau grâce à l'IRM et mesurer leur maturation. Mais je dois dire que dans 30 ans ou dans 50 ans, on trouvera, de la même façon que je trouve très primitif ce qui est dit ici, ce qu'on fait de façon très primitive, parce que nos méthodes sont encore extrêmement grossières, notamment parce que le cerveau du bébé est très petit, et donc on est encore à l'ordre du millimètre ou du 2 mm par 2, ce qui est énormément de fibres, énormément de neurones, donc on a beaucoup de mal à comprendre exactement ce qui se passe. So Rockfishers, c'était Fat White Family. Les aventuriers sur France Inter. Que fait le cerveau lorsqu'il entend des mots et quand il comprend? À partir d'une série d'exercices, la pédiatre Ghislaine Dehaene peut ébaucher des cartes de notre organe le plus précieux et le plus mal connu. Grâce en partie à ses travaux, la perception que nous avons des bébés a changé. Et voici ce que Ghislaine Dehaene attend dans les années à venir. Alors, des techniques qui puissent nous permettre de voir en même temps où ça se passe et à quelle vitesse. Je pense que la vitesse avec laquelle le cerveau traite est cruciale. Par exemple, imaginez quelque chose comme vous me voyez en train de parler, pas les auditeurs, mais vous, ici aujourd'hui, Fabienne Chauvière, et vous utilisez deux choses à la fois. Vous utilisez votre oreille pour m'entendre et vos yeux pour voir la façon dont je bouge mes muscles articulatoires et mes lèvres. Et les mains. Et les mains également. Mais dans les premiers mois de vie, les réponses visuelles vont s'accélérer énormément. Elles vont passer, la première réponse visuelle à la naissance est à 300 millisecondes, à 3 mois elle est à 100 millisecondes, c'est énorme. Et 100 millisecondes, c'est la latence adulte. Au même moment, le système auditif ne bouge pas. Alors comment vous faites dans votre cerveau, comment votre cerveau peut faire pour garder la synchronisation entre une réponse qui s'est énormément accélérée et une réponse qui n'a pas bougé? Est-ce que et ça, on ne comprend absolument pas comment ça se fait. On a l'impression que vous parlez d'un film où l'image ne va plus avec le son. Exactement, moi je suis complètement étonnée de savoir que les bébés arrivent quand même à maintenir une synchronie entre tout ça. Donc il nous faut des méthodes qui nous permettent de voir exactement la dynamique dans ces réseaux. Et peut-être que certaines des pathologies sont liées au fait que ce n'est pas tellement comme chez l'adulte, où après un accident vasculaire cérébral, on perd quelque chose, mais peut-être simplement qu'un réseau va, pour des raisons X ou Y, moins vite que l'autre, et l'enfant n'arrive plus à maintenir l'intégration entre les deux. Et par exemple, dans ce cas-là, peut-être c'est plus facile de regarder ailleurs que de regarder un visage, parce qu'il est totalement en asynchronie ou totalement chaotique par rapport à l'audition. 21 août 1973, journal télévisé. Un nouvel appareil pour radiographier le cerveau des bébés. Ces petits pieds appartiennent à un bébé de 4 mois qui présente une anomalie cérébrale dont il faut vérifier l'origine. La substance cérébrale n'étant pas directement visible aux rayons X, il faut user d'un subterfuge pour radiographier le cerveau. Il consiste à injecter de l'air entre les hémisphères, d'où le nom d'encéphalographie gazeuse donné à l'examen. Les déplacements de cet air dans la tête au fur et à mesure qu'on change de sujet de position permettent d'obtenir de façon indirecte, par contraste, de bonnes images du cerveau sous tous les angles. Cet appareil nous permet de faire des examens au niveau du crâne, examens neuroradiologiques, soit des encéphalographies gazeuses, soit des ventriculographies opaques. Et dans quelle maladie ? Dans un grand nombre de maladies de l'enfant, notamment dans les hydrocéphalies, dans certaines malformations congénitales du cerveau et dans les tumeurs du cerveau, qui sont des tumeurs fréquentes à cet âge. Est-ce que certaines des malformations que vous constatez sont opérables ? Certes, la plupart des anomalies, des examens qui sont pratiqués ici sont pratiqués dans un but neurochirurgical. Et à partir de quel âge peut-on opérer un bébé ? Dès la naissance. Tout à fait. Alors, on ne fait plus ça, des encéphalographies gazeuses. Mais ça montre, d'abord, c'était douloureux, et ça montre surtout qu'on était vraiment très démunis pour essayer de comprendre ce qui se passait, parce qu'on a quand même des pathologies très précoces, des épilepsies sévères, ou des lésions cérébrales. Il faut bien essayer de voir, pour voir si on peut faire une chirurgie. Heureusement, maintenant, avec l'IRM, on est quand même dans des conditions beaucoup plus confortables pour le bébé. 1976, extrait de l'émission Lorsque l'enfant paraît, avec Françoise Dolto. Alors, comment faire une conversation pour un petit bébé si petit ? Bien, je vais le dire aux mamans. C'est de prendre, une fois que les petits rôles sont faits, on prend son bébé en face de soi, les pieds contre son ventre, et puis les deux mains sous ses omoplates et les épaules. On le tient bien comme ça, on tient aussi sa tête. Il y a une main qui tient la tête, l'autre qui tient bien le dos, contre les genoux. Et la maman penche son visage un peu et parle à ce bébé en remuant la tête et en lui disant qu'il est mignon, qu'il est gentil, qu'il grandit bien, que papa est au travail, que la petite sœur et le petit frère... Enfin, elle fait un petit une petite conversation d'après-dîner et les mamans verront comme l'enfant est heureux et comme on dirait qu'il essaye de répondre. Lorsqu'elle s'arrête, il commence à faire des ou de sortir sa langue et s'agiter pour qu'elle continue à parler. Ce bain de paroles, ce biberon dans les oreilles de paroles et d'amour de la maman, si elle a le temps, c'est extraordinaire pour l'acquisition du langage des mois après. Françoise Otto, à mon avis, était excellente et malheureusement, les gens qui suivent les précurseurs ont parfois tendance à interpréter de façon trop rigide ce qui a été dit. Mais évidemment, le bébé comprend pas tout. Donc, c'est un petit peu toujours l'autre extrême, c'est d'arriver à se tenir au milieu entre le bébé ne fait rien, le bébé fait tout. Le bébé fait pas tout non plus. Il n'a pas encore la compréhension qui est celle de l'adulte. Il n'a pas, il peut pas extraire les mots. Mais c'est vrai qu'il répond non seulement aux signes verbaux, mais aux signes non-verbaux qu'on envoie. Et les bébés qui vous intéressent, c'est jusqu'à quel âge ? Alors, moi j'ai deux époques qui m'intéressent. La première, comme vous l'avez compris, c'est le tout départ, de savoir d'où on part pour que l'être humain arrive à parler, à faire des mathématiques, à faire ces choses extraordinaires. Il faut bien qu'il y ait une organisation au départ très différente de celle des autres animaux. Je veux dire, c'est quand même nous qui avons inventé la radio et pas les bonobos ni les macaques. Donc, il faut quand même expliquer quelque chose dans le cerveau de l'humain. Et la deuxième époque qui m'intéresse beaucoup, c'est l'entrée à l'école. C'est-à-dire la grande section de maternelle, le CP, ce passage où on va passer d'un enseignement qui est un petit peu l'enfant. On prend ce qu'il a autour de lui. À maintenant, je t'apprends à lire, je t'apprends à compter, tu es assis, tu ne bouges plus et je vais t'enseigner. Et ça, je trouve ça très intéressant et de savoir pourquoi ça se fait à cet âge-là. Mais est-ce que vos recherches peuvent modifier la façon qu'on a d'apprendre aux enfants ? Elle le devrait, en tout cas, elle devrait informer les parents, elle devrait informer les enseignants de ce qu'il est possible de faire. Par exemple, on pense très souvent à l'école que l'enfant n'est pas doué pour les symboles et qu'on doit attendre très longtemps et passer toujours par des choses très sensorielles. C'est pas vrai. Alors évidemment, je vous demande pas de lui parler de Kant en maternelle, mais en fait, les enfants sont très avides de connaissances. Très lointaines, par exemple, ils adorent apprendre un mot compliqué comme Diplodocus, enfin, je veux dire, ou Tyrannosaurus Rex. Je veux dire, il y a un moment, il y a une espèce d'appétit pour les mots qu'il faut pas décourager sous prétexte qu'ils n'en sont pas capables. Je pense que si on apporte de façon précise l'information dont les enfants ont besoin, pas trop écarté à nouveau. Si vous dites Tyrannosaurus Rex à un enfant qui n'a jamais travaillé sur les mots, évidemment, c'est trop loin. Mais si vous l'amenez progressivement à s'intéresser à toutes les sortes de dinosaures et à vouloir apprendre les mots, il va les apprendre. Mais on peut les emmener assez loin dans la découverte de symbolique et abstraite. Ça fait peut-être plus de 30 ans que vous travaillez sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné ? Est-ce que vous avez fait des découvertes qui vous ont semblé un peu bizarres ou incroyables ? À chaque fois, parce que je dirais que c'est ça qui fait un peu la joie de travailler chez le bébé, c'est qu'à chaque fois on se dit « non, ce coup-là, il ne le fait pas. Ce coup-là, il ne le fait pas. » Et à chaque fois, on a été étonnés par leur capacité, par exemple la dernière fois sur le fait qu'ils puissent apprendre des symboles, voire associer un son et une forme visuelle à 2 mois, vraiment on s'y attendait pas. Donc cette capacité d'abstraction qui est en fait très limitée par le système moteur. Donc peut-être que si, alors là c'est de la science-fiction totalement absurde, mais si on arrivait à communiquer directement avec le cerveau du bébé sans passer par son système moteur, on aurait des choses extraordinaires. Et est-ce que vous croyez qu'un jour on sera capable de dire ce bébé à 2 mois, il sera bon en mathématiques ou un bon littéraire ? Non, ça je pense pas. Mais ce qu'on peut voir, c'est on peut déjà alimenter ce cerveau. Le cerveau est curieux, le cerveau a envie d'apprendre. C'est une erreur de penser que l'apprentissage est stressant ou que les enfants, ils ont peur d'apprendre. Au contraire, les enfants, ils ont le nombre de pourquoi, comment que pose un enfant, le nombre de chute qu'il fait quand il essaye d'apprendre à marcher, les enfants veulent découvrir le monde. Et donc le fait de savoir qu'on peut leur apporter beaucoup plus et enrichir ce cerveau, peut-être beaucoup plus tôt qu'on ne le fait, à mon avis, est absolument extraordinaire. Et c'est ça qu'on découvre en ce moment, c'est qu'en fait, ce cerveau est avide de connaissances. Alors, évidemment, dans certaines familles, c'est déjà, on les alimente déjà beaucoup, dans les familles, nos propres familles, c'est sans doute le cas, et de tous les auditeurs de vos émissions. Mais dans d'autres endroits, les enfants sont laissés tout seuls. Et à ce moment-là, c'est des cerveaux qui sont appauvris, c'est des cerveaux qu'on maltraite quelque part. Et donc le fait de dire, oui, on peut alimenter ces enfants, non seulement par du lait, mais par des connaissances, et on peut le faire très tôt, à mon avis, c'est positif. Vous pouvez réécouter Ghislaine Dehaene sur franceinter.fr. Cette émission, comme toutes celles de cette série estivale, est disponible sur Internet. Vous pouvez aussi retrouver Ghislaine Dehaene dans Les promesses de la science. Le livre préfacé par Joël de René vient de paraître chez Flammarion. Stéphanie Texier réalise Les aventuriers avec Rebecca de Nantes. Merci à Sabine Dahuron de l'INA pour les archives sonores. La programmation musicale est signée Djoubaka. À la documentation musicale, Romain Couturier. Demain, les neurosciences à l'école ou comment la science peut aider les enseignants à trouver des méthodes d'apprentissage efficaces. Nous serons avec le célèbre psychologue Olivier Houdet. Passez une très bonne fin de journée sur France Inter. Dans un instant, Jean-Claude Amezen. À demain.